la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir les livres ni les regarder. Un jour pleuré, beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des meilleurs me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, avec qui pour ouvrir les livres, et c'est cette sauve la réponse. Bato balakisaki ngai bolingo na mokili, mais ezalaki nde yango te. Kasi na nzela na yo nde namoni bolingo ya solo, mpo kabaki bomoi mpo na nga. Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi ya ndako, Yesu we Yawe kumama. Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi na ndako, Yesu we Yawe kumama. Yeah. solo. Yo zali nzambe na bomoi. Tala eyano ya ba oyo tolandi yo nkolo. Eloko moko te kokabola biso na yo. Tika te miso na biso etombola makaka epai na yo. Yo pesi ngai yano solo ya ya. Moko ta yake epai na yo. Bongo azonga maboko pamba. Yesu we yawe kumama. Motema na nga nde yo mutomemaka po simbaka yango liboso na mikakatano nyonso. Nakolemba te yo longa.